Salut les copains. Thank you. C'est dingue, je sais pas pourquoi. Il faut que je reload, je suis désolé, il faut que je reload. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Girl, you're okay.